t'as raison. Qui se rappelle du signe le plus évident? نعم الولاء والبراء الضيق. نعم هذا أبرز ما يوصف هؤلاء المبتدعة. Le fait que parmi le signe le plus évident de ce de cette secte, c'est que ils vouent leur alliance ou ils limitent leur alliance à une partie de la communauté, tout comme ils élargissent leur désavouement à une plus grande partie qu'ils ne devraient. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de s'allier avec la totalité des croyants, eux, ils vont s'allier avec une partie des croyants et ils vont prendre une autre partie en inimitié. Et ça, c'est formellement interdit fil le Coran ou le Sunna. طيب أخانا رياض، كيف يخرج الشخص من دائرة السنة؟ Comment la personne elle sort de la sunna? Comment on peut dire d'une personne qu'elle est sortie, ou pour quelle cause la personne pourrait-elle sortir de la sunna? Naam, lorsqu'elle contredit un des fondements de la religion, juste avec la contradiction d'un fondement de la religion, la personne peut se voir sortir de la sunna. Naam. Bien sûr, il y a des conditions. Et ces conditions-là, on les a vues dans la Aqida al-Islam. Et aussi, elle peut sortir de la sunna avec quoi? En commentant quoi? On a dit en contredisant une base parmi les bases de la religion, mais aussi... Hein? Qu'est-ce que ça rappelle? Ça se court. Mohamed, ça se court. يعني بإكثار المخالفات في الجزئيات. Et aussi lorsque la personne multiplie les contradictions avec les gens de la sunna dans les branches de la religion et non dans les bases. Donc s'il contredit les gens de la sunna dans une branche, une seule, il ne sort pas de la sunna. Mais si c'est dans plusieurs branches, il y en a plus ou moins nombreuses, alors là, il peut sortir de la sunna. Comme quoi, comme branche On avait pris comme exemple le fait de celui qui dit qu'il est permis de faire l'odo avec un habit de timbre, avec du jus de date alcoolisé. Il y en a comme l'imam Abu Hanifa, ils sont de cet avis. Ou celui qui va dire, par exemple, comme on a vu dans des douloureux précédents, que la sodomie, c'est permis. Hada man qala biha. Qui avait dit que c'était permis Mahoma? Est-ce qu'il y a un khilaf fait à Adil Messala? Il y a certains salafs qui ont dit que c'était permis. Certains salafs qui ont dit que c'était permis. Mais il y a un Il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de dalil. Yani, tout ce qui y a comme dalil fait à Adil Bab, raddun alayhim. Raddun alayhim. Et eux, ils sont accrochés à une parole d'Abdallah ibn Umar. Qui était de. Cette parole, elle montre que Abdallah ibn Umar, il est de cet avis, comme quoi la basse. Mais même cette parole-là, la tathbut, elle n'est pas confirmée à Abdallah ibn Umar. Wa in thabata, falaysa bidalil, rubbama ta'awwala fi ba'd al-shay. Tamam? Et on a vu aussi que Abdallah ibn Umar, il a rapporté un hadith qui va dans le sens du tahrim. Donc ça montre bien que la parole qui dit qu'Abdallah ibn Umar était de cet avis est une parole fausse, erronée. Yadhkurun an l'imam Malik. Ils disent que c'est l'avis de l'imam Malik. Lakin, hatta hadha, même l'imam Malik, le fait de dire qu'il était de cet avis, fi nazar. Parce qu'il y a des gens qui étaient de... Yani c'est plus proche de l'âme, qui n'ont pas confirmé cela de lui. Ala kulli hal, celui qui multiplie ce genre de contradiction avec les gens de la sunna, il en a plusieurs, alors lui, yakhruj min as-sunna, il sort de la sunna. Yeah. Taïb, donc inshallah, on va terminer ce asl. Et on a duré dans l'explication de ce asl. Limada, lianna al-umma qad ibtuliyat bit-tafarruq khassatan fi zamanina hadha. Donc on a duré dans l'explication de ce point-là. Pourquoi? Parce que, comme chacun d'entre vous le constate, la communauté n'a cessé de se diviser et encore plus à notre époque. Là, on se divise pour un rien. À la kalima wahida. Juste pour peut-être une mauvaise compréhension sur une parole, khalas. Naftarek. Wa rubbama yahsul as-sab wa shatm wa al-mudaraba. Et ça peut même atteindre, ces divergences-là, elles peuvent même atteindre les insultes, les blâmes, ainsi que les coups. Na'am. Falihada. كان من المهم أن نطيل في هذا الباب حتى نخرج على فهم سليم وتطبيق موفق للشرع وعليكم السلام طيب ها عندي سؤال يا مسلم هناك من يقول الاختلاف رحمة الاختلاف رحمة ça c'est une parole qui est connue que beaucoup de gens utilisent et beaucoup de gens emploient الاختلاف رحمة la divergence entre les gens de science en général c'est une miséricorde est-ce que c'est un hadith ولا آثار أو ماذا c'est pas la base c'est considéré comme quoi mais ما يثبت سان حديث ولا سبع حديث الله أعلم سان حديث اللي بس صحيح ما يسكت سان حديث وبا سكون صار آدم سان حديث لا الله أعلم أحسن نعم بعضهم يقولون أن هذا حديث لكن ليس بحديث أصلا وفصلا donc c'est pas un hadith comme peuvent le prétendre certains prédicateurs نعم donc Ibn Hazm il a réfuté cette parole-là. Le fait de dire que la divergence, c'est une miséricorde. Tout d'abord, il a prouvé que cette parole-là n'est pas un hadith. Ensuite, il dit وَهَذَا مِنْ أَفْسَدْ قَوْلٍ يَكُونُ Et il dit que cette parole-là, c'est l'une des pires des paroles qui a pu être dite. لماذا Pourquoi يقول لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق ماذا سخط سخطا يعني عكسر الرحمة Il dit pourquoi? Parce que si la divergence, c'était véritablement une miséricorde, alors le contraire de la divergence aurait été une colère. La miséricorde, le contraire de la miséricorde, c'est la colère. Ou chez Mindal. Donc il dit, si la divergence aurait été une miséricorde, alors l'union et l'accord auraient été une colère. وَهَذَا مَا يَقُولُهُ مُسْلِمُ Et ensuite il dit وَهَذَا مَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا اتِّفَاقٌ أَوْ اخْتِلَافٌ وَلَيْسَ إِلَّا رَحْمَةٌ أَوْ سَخَطٌ Et il dit, et ça personne ne le dit, aucun musulman il peut dire ça. Que l'union c'est une colère ou c'est un châtiment. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, il y a soit la miséricorde, soit son contraire. Non. Ou soit l'union, ou soit la divergence. Il n'y a pas de manzila bayna manzilatayn. Il n'y a pas de d'étape intermédiaire. Naam. Ala kulli hal, falhadhar alhadhar min al-ikhtilaf wa bil akhas al-ikhtilaf alladhi yuaddi ila an-niza' wa ma waradat adillatu fadli islah dhat al-bayn illa lil-hifaz ala hadha al-asl. Naam. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas se diviser. Et lorsqu'on dit ça, c'est vraiment, c'est pas des... Ça c'est un dars, comme chaque dars, يحتاج إلى عمل. أما العلم بلا عمل لا ينفع صاحبه. Donc ça c'est un cours qui a besoin d'œuvre, de pratique, de mise en pratique. Parce que la science, si on ne la met pas en pratique, elle n'est pas utile à son auteur. Elle n'est pas utile pour la personne qui la possède. Non. Et donc, tous les adillah, toutes les preuves qui sont venues, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, qui appellent à la réconciliation entre deux personnes, pourquoi ces preuves sont venues? Elles sont venues juste pour préserver cette base, préserver ce fondement essentiel qui est mada al-ijtima', le fait de rester unis. Et wallah ya ikhwa, wallah uqsimu lakum billah, anna ahl as-sunnah fi zamanina hadha 'indhum taqsir fadhi'. On a des manquements dans le fait de faire la réconciliation entre deux personnes. On a des manquements pas possibles. Anta ta'lam anna bayna fulan wa fulan adawa. Tkhallihim. Hadha yasubbu wa hadha yashtumu wa anta salim. Hadha ma yanbaghi. Al-muslim, akhu al-muslim la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن المسلم ينبغي له أن يسعى في إطفاء النار بين المسلمين. Donc le fait d'établir la réconciliation entre deux personnes, c'est très très important. Et combien de gens, que ce soit des frères ou des sœurs, elles peuvent entendre qu'il y a entre un tel et un tel une inimitié ou un problème, personne ne va régler. Il laisse le mal à la makan, que ce soit chez les frères ou que ce soit chez les sœurs. Wada khata'un. Et ça, c'est vraiment une énorme faute. l'insan yambari lahu an yas'a fi itfa' an-nar bayna al-muslimin. Et au contraire, l'homme, il se doit, l'homme ou la femme, il se doit de se précipiter pour éteindre le feu qu'il peut y avoir entre les musulmans. نعم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد وعن أبي داود عن أبي درداء قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. Le prophète a dit, ne vous informerai-je donc pas d'un degré qui est meilleur, انظروا, un degré qui est meilleur que la salah, qui est meilleur que la prière. Wassiya, le jeûne, wassadaqa, et l'aumône. Les compagnons, qu'est-ce qu'ils vont répondre à cette question du prophète? Bala ya Rasulullah. Bien sûr, au prophète d'Allah, informe-nous, quel est ce degré? Faqala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, islahu dhat al-bayn. Le fait de réconcilier entre deux personnes. Juste ce fait-là, c'est meilleur que le degré, c'est plus élevé que le degré de la salah. Mada, que le degré de la salah et du jeûne ainsi que de la sadaqa. Et ça, pourquoi? Parce que toi, quand tu fais salah, ou quand tu jeûnes, en vérité, c'est qui profite de ta salah? C'est l'auteur. C'est l'auteur, fakat. C'est l'auteur. Lui, c'est comme s'il se faisait du bien à lui-même. Non. Pareil quand il jeûne. Lakin lamma yas'a bayna an-nas fi l'islah, là, il fait du bien aux gens. Pas seulement à lui-même, mais il fait du bien à lui-même, mais surtout aux gens et à la communauté. Et ça, c'est très important. Nahnu la namshi furada. On ne doit pas marcher en personnel. Genre, je m'occupe de ma propre personne ou khalas. Là, un nas fait zulma. Fait zulma. Wa anta idha kunta fi an-nur fa hawil tukhrijhum. Si par exemple toi tu es dans un droit chemin et tu vois des gens qui sont dans un égarement, tu te dois de les en faire sortir. Pareil si tu vois des gens, surtout si c'est min ahli l'islam, surtout si c'est des gens de l'islam qui ont des mada, une inimitié l'un envers l'autre, tu te dois de te précipiter vers le sol. Et ça c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Même on dirait encore plus chez les femmes parce que, yani, chez elles, la division c'est encore plus rapide. Nous on parlait de pour une kalima, mais chez les femmes c'est peut-être pour la moitié d'une kalima. Taftariq. Naam. Fayanbaghi 'ala al-'aqila al-kha'ifa lillah aw min Allah an tas'a bayna al-akhawat bil-islah. Donc, il convient, il est important à la femme dotée d'une bonne raison et d'une crainte d'Allah Azzawajal qu'elle se précipite entre les sœurs et qu'elle fasse la réconciliation entre elles. Et comme là vous le voyez dans le hadith, celui qui fait cette œuvre-là, en étant sincère, il a atteint un degré plus haut que le degré de la prière et du jeûne. Ainsi que la sadaqa. Et c'est pourquoi aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam huwa atqa an-nas 'ala al-itlaq wa akhshahum lillahi 'azza wa jalla 'ala al-itlaq. C'est lui qui craint le plus Allah 'azza wa jalla et c'est lui qui le vénère le plus. Mais malgré tout, il est déjà venu dans certains hadiths qu'il est arrivé, il s'est présenté en retard pour la prière du 'Asr. La prière du Asr, c'est laquelle la meilleure des prières? La prière du Asr ou la prière du Fajr? العصر العصر ولا الفجر؟ ما هي الصلاة المشهودة؟ صلاة الفجر. ها صلاة الفجر فقط. J'ai demandé là, j'ai demandé à Aaron, c'est quoi, c'est quelle est la prière mashhouda? C'est la prière qui est assistée, c'est-à-dire assistée par les anges. Et il a répondu le Fajr. Hein? Mais il y a aussi l'Asr. Il y a aussi l'Asr. Naam. Lakin ja bin nas fi surat al-Isra bi yani annaha al-Fajr wa hiya al-Fajr wa kadhalika al-Asr. كما جاء في بعض الأحاديث أن الملائكة يتراقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار الحديث عن أبي هريرة وفينزلون في صلاة العصر ويرجعون في صلاة الفجر أو العكس. نعم. على كل حال صلاة العصر على الصحيح هي أفضل صلوات الخمس. Donc la prière du Asr, c'est la meilleure des cinq prières de la journée. Naam. Selon l'avis le plus juste. Et malgré tout, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé en retard à cette prière-là. Pourquoi? Parce qu'il était en train de faire le sulh bayna qabilatayn azimatayn. Parce qu'il était en train d'essayer de réconcilier entre deux tribus puissantes. Naam. Regardez l'importance de faire la réconciliation entre les gens et entre les musulmans. Naam. C'est vrai qu'il c'est ça qu'il est permis de mentir pour ça. Est-ce que c'est authentique qu'il est permis de mentir pour faire le solh? Qui a la réponse avant que je réponde? Ya Mohamed? C'est permis, hein? Naam. نعم على الخلاف فيه il y a quand même un khilaf dans le sens où certains ils disent que si tu peux faire une tawriya fahuwa afdal. Tawriya c'est une ruse qui sous-entend un mensonge mais son contraire aussi. Tamam? Donc c'est le mieux. Mais le hadith il est venu clairement en disant que nul mensonge ou nul grief pour un mensonge qui est fait dans la guerre ou pour réconcilier entre deux personnes ou c'est quoi la phrase et Abdel Ghani c'est pour sa femme. Aïwa ben al-rajul wa zawjata ben al-rajul wa zawjata ya Mohamed. Ça veut dire là, quand tu vas te marier, Inch'Allah, wafakak Allah, wazawajaka bi mra'atin saliha, t'as le droit de venir et de raconter n'importe quel mensonge à ta femme. Là, t'as un hadith. Hakada? C'est ça? Non? لا ما هو هكذا ما هو هكذا هذا في الحال مثلا انت مضطر شبه مضطر par exemple tu es dans une situation parce que le hadith il équivaut pour l'homme comme pour la femme c'est-à-dire la femme il lui est permis de mentir à son mari par rapport à ce hadith là donc c'est pas à prendre à la lettre là. Mais c'est si elle est dans un hal ou elle est muttar. Ou si la personne elle est dans un hal, elle est muttar. Par exemple, la femme, c'est un exemple. Hein. Si elle est sortie parce que elle craignait pour sa vie. Elle est sortie, elle est rentrée à la maison. Hein, le temps que la crainte elle soit partie. Par exemple, elle a cru que un cambrioleur, il est rentré dans la maison. Elle a eu peur, elle est sortie, elle n'a pas demandé la permission à son mari. Tac, elle est partie chez une voisine, elle s'est assurée qu'en fait, il n'y avait rien. Elle est revenue dans sa maison. Là, si elle sait que son mari, c'est quelqu'un de shadid, là, il y a tefaham al-kalam nisa batata. il comprend pas les expressions des femmes là et là. Lui, c'est que, مثلاً, darb ou شيء من ذلك, elle, elle a le droit de lui mentir. Par exemple, si مثلاً, il viendrait lui demander est-ce que tu es sorti, elle a le droit de dire le contraire. Mais ça, c'est seulement dans des hal bien précis. Des exemples de pour l'homme, يعني, كثير. Et certains des savants ils disent non, le mieux c'est qu'elle fasse une tawriya. Tawriya, c'est-à-dire comme Ibrahim il a fait par exemple avec le roi qui voulait prendre son épouse. Le roi qui voulait prendre son épouse, il tuait tous les hommes mariés, tamam, qui avaient des belles femmes. Et la femme d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Sarah, il a été dit qu'elle faisait partie des plus belles femmes de son époque. Ça veut dire le roi, quand il l'a vu, il a demandé si elle avait un mari. Si lui, il aurait répondu que c'était le mari, il aurait été tué. Faqal, innaha ukhti. Il a dit, c'est ma sœur. Tamam. Lui, il voulait dire, sa sœur, fi mala. Fillah, fi dinillah. Dinillah. Donc, de ce côté-là, c'est pas un mensonge. Tamam. Donc, c'est ça qu'on appelle tawriya. Wa hadha awla. Et donc, ça, c'est la meilleure des choses à faire. Donc oui, pour réconcilier entre deux personnes, tu peux utiliser le mensonge ou chez Mindal. Ou bien, Mathalan, tu veux réconcilier entre deux personnes et tu dis, un tel par exemple, il fait beaucoup de dua pour toi. Ça va? Il fait beaucoup de dua pour toi. Et toi, tu sais pas si vraiment il fait beaucoup de dua pour toi. Tu vois? Mais lui, lorsque c'est-à-dire le musulman, il sait pas si la personne pour laquelle il fait la réconciliation, elle fait vraiment beaucoup de dua. Mais lui, là, il veut faire un sulh. Il a le droit d'avancer cette parole-là. Et est-ce que ça sera un mensonge? Est-ce que ça sera un mensonge? Il n'a pas la certitude que c'est faux. Il n'a pas la certitude que c'est faux. Moi, là, maintenant, je vous dis, Ya Ikhwa, Othman, il fait dua pour vous tous. Dans ses salats, il n'oublie personne d'entre vous. Ala Kadib, on peut demander à Othman tout de suite, mais bon. On nous préserve. Hein? Hein? C'est un mensonge? Non. C'est pas un mensonge. Dis-moi. Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha. Mais où est-ce? Ihdina surat al-Mustaqim. Jamil. Ihdina surat al-Mustaqim. Yani, hada yatadamman al-hidaya lahu wa li-ikhwani al-muslimin. Naam. Wa kadhalika dans le tashahud. Naam. Vous connaissez les cas dans le Tashahhud, lorsque la personne invoque le As-Salam. Voilà, pour les serviteurs pieux. Non. Fa'adha yashmal jami' al-mu'minin. Allez, ça, kadalik? Fa'nahnu ma dakhalna fi ayi kadib. Ya tawriya. Fa'amt? Ala kulli hal, ça c'est pour vous montrer l'importance. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il légifère jusqu'à le mensonge, jusqu'au mensonge, pour réconcilier entre deux personnes, c'est pour vous montrer l'importance de la réconciliation. Et pour vous montrer aussi que la personne, elle ne doit pas rester insensible de croyants. Il sait qu'il y a un problème entre deux croyants. Salah, ya akhi. Hatta bi kalima. Hein? Ma'al asaf, on est beaucoup éprouvés sur ce sujet-là. La personne, par exemple, elle entend qu'il y a une divergence entre deux ou une inimitié. Au lieu qu'elle réconcilie, elle rajoute du feu sur le du feu. Elle rajoute de l'huile sur le feu. Ouais. Soit par une kalima, ouais, t'avais raison, mais lui, hada dal modil, ou hada ta'ban, ou hada khalas, hada ma wassulh. Donc ça, c'est des choses à éviter. Donc le hadith, il dit comme ça, islahu dhat al-bayn wa fasadu dhat al-bayn hiya al-haliqa. Et le fait de corrompre ou de pervertir entre deux personnes, ça c'est al-haliqa. Al-haliqa, c'est-à-dire yani le fait de couper, détruire. C'est cette chose-là qui va couper les liens entre les musulmans et qui va détruire la religion. Le fait de pervertir entre les gens. Falihada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadharana min al-adh. Hadharana min al-adh. Wa ma huwa al-adh? Ya muslim. هي النميمة القالة بين الناس لا كالومني الخوات السلام يزمي وانقاش contre la calomnie hein? Et la calomnie c'est le fait de propager les paroles qui peuvent entraîner un tort ou une inimitié, de les propager entre les gens. نعم طيب والحديث هذا حديث صحيح. قال الطيبي عليه رحمة الله الحديث في ترغيب في إصلاح ذات البين واجتناب الإفساد فيها لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم التفرق بين المسلمين. Donc il dit, الطيبي, il dit que dans ce hadith il y a une motivation et le prophète sallam il l'enjoint à faire la réconciliation entre deux personnes et à s'éloigner de pervertir entre deux personnes. Pourquoi ? Parce que lorsque tu réconcilies entre deux personnes, c'est une cause que les gens s'accrochent au hable d'Allah Azza wa Jal, au câble d'Allah Azza wa Jal, au lien d'Allah Azza wa Jal, et qu'ils ne se divisent pas, que les musulmans ne se divisent pas. Wa fasad dhat al-bayn thulmatun fi al-din, faman ta'ata islahuha أو إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم والقائم المشتغل بخويصة نفسه. Et donc il dit que le fait de pervertir entre deux personnes, c'est comme une brèche qui se crée dans la religion. Donc celui qui essaye de la refermer en faisant la islah, en faisant la réconciliation, et en évitant de pervertir entre deux personnes, alors celui-là, il aura atteint un degré au-dessus de celui qui jeûne, au-dessus du degré du jeûneur. Et au-dessus du degré du al-qaim, c'est celui qui prie beaucoup. Que ce soit qiyam al-layl, que ce soit salawat al-khams, que ce soit al-nawafil, ou ghayr dhalik. C'est celui qui prie beaucoup. Donc celui qui réconcilie entre les gens, il aura atteint un degré encore plus haut que ce degré-là. Pourquoi ? Parce que ceux-là, ils sont occupés par khwaisati nafsi. Et celui-là, il est occupé par sa propre personne lorsqu'il s'efforce d'adorer Allah Azza wa Jal. طيب. وقال الإمام الترمذي في قوله الحارقة أي أنها تحلق الدين. الحالقة أي أنها تحلق الدين. Lorsque l'imam Tirmidhi dit, lorsque le prophète Hassan dit que la perversion entre deux personnes, c'est ça même qui تحلق الدين, c'est-à-dire qui rase la religion. Voilà, qui anéantit la religion. نعم. والحزبية والمبتدعة, ils n'ont pas pris de l'ampleur et de la force jusqu'à ce qu'ils puissent, jusqu'à ce que les gens de Ahl Sunnah, ils se sont divisés et ils n'ont pas pu se réconcilier entre eux ou faire le islah dhat al-bayn. Non. Non. Et c'est pourquoi il croit hada nasihati li nafsi wa lakum وكذلك للأخوات de faire toujours attention au moindre khabar qui nous vient. Faites toujours attention au moindre khabar qui nous vient. La siyama, ida yaqtadi min wara'i dhalik baghda ou adawa. Il faut toujours faire attention au moindre khabar qui nous vient, surtout si cette information, elle contient une chose qui peut susciter de l'inimitié. Et toujours confronter les gens en parole. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Toujours confronter les gens, ashab al-maqalat. Ceux qui ont parlé, il faut toujours les confronter. Quelqu'un, il vient de dire, Foulain, il a parlé sur toi. Et là, il a Foulain. Est-ce que c'est vrai que tu as dit sur moi ceci ou cela? Ou khalas. Soit tu lui expliques pourquoi, tu lui demandes pourquoi il a dit ça. Lui, il va t'amener ses dalils ou ses preuves. Ou inshallah, t'ahda l'omour. Amma, wahid, il vient, il dit, ouais, il te parle. Il dit, ouais, Foulan, il a parlé sur toi, Foulan, il a dit ça. Souma, Ba'den, il dit, ouais, mais scout, il ne dit rien, il ne dit pas. Ça veut dire qu'en fait il dit une chose qui va susciter toi dans ton cœur de l'inimitié, mais tu pourras pas la faire sortir de ton cœur. C'est un problème. Et c'est pourquoi la personne qui vient avec ce genre d'information, elle doit déjà avoir un os. Parce que si vraiment c'est un ami intime. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Yudafi' an nafsik qabla an ya'ti ilayk. Lui, il répond, si on parle de toi en mal, lui, il va répondre sans qu'il ait besoin de venir te dire, ouais, tel, il va dire, non, akhi, c'est pas comme ça, l'akh al akhir, ou kada, si c'est une sœur, elle va dire, non, cette sœur-là, je la connais, elle est al akhir, ou kada. Elle va directement faire un israh, sans même rapporter les paroles. Donc il faut faire très attention à ça, car le fait de pervertir entre deux personnes, c'est considéré comme le fait de détruire la religion. Naam. Tayyib. Wa qila wa qala ahad al-ulama al-misriyin يعني toujours sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hiya al-haliqa, ay iyyakum wa at-tasabbub في المخاصمة والمشاجرة بين اثنين أو قبيلتين بحيث يحصل بينهما فرقة أو فساد. Donc là, la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, les savants ils l'ont compris dans le sens où c'est une mise en garde de ne pas être des causes de l'inimitié entre deux personnes ou entre deux tribus. نعم. وحتى بين زوجين. Et même en ce qui concerne les deux époux, il y a un roi, il faut toujours, surtout pour la personne, l'homme, aqil, qu'il ait un œil sur le sulh, yastalih ma'a ahli, qui, s'il a une dispute avec son épouse, il fait ce qu'il peut pour se réconcilier. Naam. Pourquoi? Parce que le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, dit Was-sulh khair. En ce qui concerne la réconciliation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec laquelle de ses épouses, Riyad? Hein? Avec laquelle de ses épouses, Riyad? Hassan. Abdel Ghani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réconcilié. C'est une réconciliation qu'il a fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit As-sulhu khair, en concernant ce qui concerne la réconciliation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'une de ses épouses. C'est laquelle? Saouda. Non. Parce qu'il a pensé la divorcer. Et elle s'est réconciliée avec lui en délaissant sa nuit et en la donnant pour Aïcha. À la kulli hal, وصف الله تعالى الصلح هنا بلفظ عام مطلق يقتضي بأن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié as-sulh, la réconciliation, comme étant un bien. C'est-à-dire, d'une manière globale, d'une manière absolue, le sulh, c'est un bien. Tamam ? Que ça soit entre l'akh wa akhi, l'akh wa abi, l'ukht ma ukhtiha, l'azouj ma azoujateh. Du moment que cette réconciliation est faite dans la limite de la législation, alors cette réconciliation est une bonne chose. Naam. Tayyib. طيب وكان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خبب على امرئ زوجته او مملوكه فليس منا. هذا حديث عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم من خبب celui qui a perverti celui ou celle. Hein? Là c'est valable pour l'homme comme pour la femme. Celui ou celle qui a perverti entre deux époux. Et ça arrive souvent. Un homme, il vient voir un... Hein? Même si c'est la belle-famille, par exemple, sa mère ou... Même si c'est la belle-famille, même si c'est la mère de l'épouse, ou même si c'est le père de l'époux. Ayouahed. N'importe qui, on va dire, dans une expression un peu plus familiale, qui monte la tête à l'un des deux époux contre l'autre, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Ça, c'est pour vous montrer comment, même entre les époux, la réconciliation est préférable et le fait de s'unir est une chose recommandée. Naam. Et enfin, pour que chacun d'entre nous on comprenne comment les compagnons ils voyaient le fait de faire la réconciliation, ils le voyaient d'une manière énorme. Et le considérer comme une des choses primordiales de la religion. كان السلف الصالح على اهتمام كبير بصلاح ذات البين. كان أنس بن مالك يحكي عن بعض الصحابة أو يحكي عن الصحابة أو عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول كانوا يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما أوصى فلان ابن فلان. Donc Anas ibn Malik, il rapporte. Et Anas ibn Malik, c'est un compagnon? Anas ibn Malik? Attends. T'as Anas ibn Malik et Malik ibn Anas. Taïb. Lequel c'est le compagnon et lequel c'est l'imam Malik? Ya Riyad. Hein? Allah alam. Le compagnon c'est Anas ibn Malik. Khadim Rasulillah. Et l'imam c'est Malik ibn Anas. Tamam? Naam. À la kulli hal, donc ce compagnon, il rapporte d'autres compagnons parce que Anas ibn Malik, il était petit lui à l'époque. Donc lui il rapporte d'autres compagnons des kibar as-sahab. Hein? Il dit qu'ils avaient l'habitude, les grands compagnons, ils avaient l'habitude d'écrire dans leur testament. Subhanallah. Ils avaient l'habitude d'écrire dans leur testament, voici ce que recommande un tel fils d'un tel. C'est-à-dire celui qui écrit le testament. Annahu yashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. وأن الله يبعث من في القبور. Voici ce que recommande un tel fils d'un tel. Tout d'abord, il atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration autre qu'Allah Azza wa Jal, seul sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager, et que l'heure de la résurrection viendra sans aucun doute. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera ceux qui se trouvent dans les tombes. Wa awsa من ترك وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. Et il recommandait après cela, il recommandait les gens qu'ils avaient laissés, c'est-à-dire de leur famille, il leur recommandait de craindre Allah et de réconcilier entre les gens. Ça, c'était dans leur wasaya. Ça, c'était dans leur testament. Aujourd'hui, si on demande à l'un d'entre nous, est-ce que ça fait partie de ton testament ? Déjà, Allah alam fait une raha al-wasiya hadi. Déjà, Allah alam si le testament il est présent ou la. Non. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'y a pas un croyant, le hadith est sahih, qui doit dormir, qui doit passer une nuit sans que son testament soit écrit. Soit écrit à côté de lui, soit déposé à côté de lui. Non. Ça veut dire normalement, chacun d'entre nous, on se doit d'avoir écrit déjà le testament. Et c'est très important. Manadri matanamut. On ne sait pas quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a écrit qu'on va le rencontrer. Non. Mais regardez, subhanallah, l'importance que ces salaf ils avaient pour Islah Dat al-Bayt, ils l'écrivaient dans leur testament. Non. Et donc, l'imam Anas ibn Malik, le sahabi, il a appliqué cela sur lui-même. Il a appliqué cela sur lui-même, ça veut dire que lui-même, après, il a écrit, il a recommandé à ses proches de réconcilier entre les gens. Et enfin, on termine sur un petit tambih. La israh fi kalimat al-haq. Ça aussi, pareil, il faut savoir aussi que le sulh, par exemple, quelqu'un, on va dire Zayd, il a giflé Amr. Et moi, je viens, je dis à Amr, khalas, il n'y a rien du tout, m'afficher. Il n'y a rien du tout. Hada sulh? Est-ce que c'est un sulh? Hein? C'est pas un sulh? Lui, il a essayé de faire sulh. Lakin, laissa kullo muridin lil khair yusibo. C'est pas toute personne qui veut faire le bien qui y arrive. Le sulh qui est visé par le texte qu'on vient de lire, c'est celui qui est fait dans le cadre où chacune des personnes qui est visée, elle a son haq. Chacune des personnes, elle a son haq. Tamam? Et c'est pas un sulh le fait de dire comme certains mubtadi'a ils ont voulu de certaines personnes de la sunna, on s'accorde, on s'arrange, toi tu parles plus sur moi je parle plus sur toi. Hada sulh? Ma huwa sulh? C'est pas ce sulh là dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit as-sulh khair. Naam. Parce que c'est une obligation à tout un chacun d'ordonner le bien et d'interdire le mal. À la kulli hal, vous retenez que le sulh qu'on a évoqué aujourd'hui, c'était c'est le sulh légiféré. Ça va? Il y a encore du temps là ou bien? 13 minutes. On va prendre un peu de l'espèce, Inch'Allah. Taïe.